Difunto. Salón. 4 Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Je reçois Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et la chronique technologique CNX, ça fait deux fois le mot chronique dans la même phrase, hein? Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Vous avez remarqué que Kiwan n'est pas là aujourd'hui. On dit dans la business qu'il est en congé ou en reportage, dépendant de l'endroit. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est pas là et il est parti faire du snow, le chanceux. On va passer 2 heures ensemble, vous et moi, ça va être super intéressant. Émilie Gauthier va venir me rejoindre plus tard et on va sûrement s'amuser ensemble aussi. Fait que ça va être comme un beau petit party avec très pas beaucoup de gens. C'est comme un petit party de garde-robe, si on veut. Il va y avoir une chronique technologique tantôt. On va parler de plein de choses qui sont passées sur Internet. Ça va être bien ça aussi. On va peut-être parler, du mois de mars, encore une fois, qui est le mois de la prévention de la fraude. Mais on commence en musique avec la position numéro 6 du palmarès francophone de C'est fou. Voici les 3 accords et croquez les coups. Oh, 89 FM, c'est fou! Shake. Que de... Awkwardness. I saw you in my favorite dress. Petit bloc de palmarès anglophone ici à Assemblage Requis. On vient d'entendre Hunter Valentine et The Stalker. Et avant ça, c'était Set the Whale avec Camelo the Magician. Deux pièces du palmarès anglophone que vous pouvez entendre au complet demain, mercredi, entre 13h et 15h, dans les palmarès. C'est fou, édition anglo. Comme je disais, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Tout à l'heure, on va faire une nouvelle petite chronique. Hein. J'en profite pendant que Kiwan est pas là pour essayer des nouvelles affaires. Là. On va essayer la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Ça vient tout à l'heure. Mais avant ça, on step un autre petit bloc un petit peu plus électro cette fois-ci. Hein? On va attendre du Fall of the Conchords tantôt, mais on débute avec Artist of the Year. Voici Cake for You au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Et en passant, allez voir sur assemblagerequis.com pour les liens de l'émission d'aujourd'hui et pour tout ce que vous pouvez vouloir savoir sur l'émission en général. C'est assemblagerequis.com. Still with fun, I've got a cake for you, and it's filled with fun.

C'est la pièce Sage, précédée de Zoo, c'est Fever of the Time à Assemblage Requis. Moi, j'ai comme l'impression que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Je pense qu'il y a eu 5 pièces depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Mais bon, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Maintenant, on essaie quelque chose de nouveau un peu. Voici la chronique « Ça existe, mais ça devrait pas ». On l'a... Donc la chronique « Ça existe, mais ça devrait pas », on l'a, ça parle de quoi? Ça parle de choses qui ne sont pas des gadgets. Hein? Ça ressemble un petit peu à la chronique gadget que je fais des fois dans l'assemblage requis. Mais à la place, ce ne sont pas nécessairement des choses électroniques. Ce sont des inventions qui viennent remplacer ou combler quelque chose qui, dans le fond, ne devait pas être comblé à la base. Hein? Commençons avec les Huggygram sur HUGEgram.com. Envoyez un câlin qui dure, nous dit-on sur ce site-là. Hein? C'est le site officiel, le site article que vous avez peut-être vu à la télé. Envoyez un câlin à quelqu'un que vous aimez. Pourquoi envoyer un Huggygram, on nous demande? Eh bien, ça montre à quelqu'un que vous l'aimez quand vous ne pouvez pas être là. Hein? C'est un cadeau unique qui dure pour toujours. Vous pouvez l'envoyer avec un message personnalisé. Ça inclut une douzaine de roses qui durent longtemps, qui sont faites de bois. Et ça vous permet donc de câliner quelqu'un. C'est en fait un genre de collier ou de ceinture, si on veut, avec du velcro qu'on attache autour de soi-même et puis que ça fait comme si ça te serrait comme un vrai câlin. C'est pas génial, ça. Quand vous commandez sur le site web, ça vous envoie un très gros Hoggy Graham, un paquet de roses en bois et puis un petit message personnalisé. Donc, c'est breveté, ce produit-là. Oui, c'est deux bras de coton tout doux avec des mains qui ressemblent à des dessins animés qui sont tenus par un élastique. Ils sont ensuite mis dans... ils sont remplis de fibres de polyester pour créer un câlin tout chaud, tout beau. À chaque bras mesure 32 pouces de longueur et le Hoggy Graham tient avec des velcro, donc ça fonctionne pour tout le monde, peu importe la taille. Si vous appelez, vous allez en recevoir 3 à la fois. 3, parce que c'est disponible en plusieurs couleurs, en noir, en rouge et en couleur saumon. Voilà, c'est sur hoggygraham.com. Le lien va être sur assemblagerequis.com. Un article maintenant vu sur le site Vice. Oui, Vice. C'est l'odeur de l'endroit personnel d'une femme. On va le dire par son terme médical ici, le vagin de la femme. Donc, c'est une compagnie allemande qui a réussi à construire, à fabriquer un arôme, une odeur basée sur le vagin pour les hommes. Donc, voilà. Volva Originals offre l'odeur originale d'une femme avec un applicateur à billes, donc Roll-On Applicator, et devrait aussi attirer peut-être, je sais pas, peut-être les pervers, les chiens, c'est ce que dit l'article. Donc, voilà, dans une entrevue, le créateur ou le président de la compagnie, Guido Lansen, s'est fait poser quelques questions par Vice. Donc, on lui demandait « Pourquoi avez-vous créé l'odeur du vagin d'une femme? » Il dit « L'odeur, le sens de l'odorat chez l'humain est très important et très sous-évalué. Quand tu es dans un restaurant, par exemple, tu demandes toujours comment goûte la nourriture, mais tu ne demandes jamais vraiment comment que ça sent. Hein? » Il dit « Quand je suis avec ma femme, je préfère son odeur naturelle au lieu de d'autres senteurs comme le parfum. » Ça dit que l'intimité de l'odeur est très, très importante et dans le marché érotique, il a réalisé qu'on pouvait acheter des millions ou des milliards même de jouets sexuels, mais c'était seulement du toucher ou du visuel ou de l'écoute, si on veut. Donc, il voulait pouvoir remplir l'autre sens, là, le sens de l'odorat. Donc, quel était l'obstacle principal dans le développement de cette odeur-là? Il dit que la chose la plus difficile était de trouver des préservatifs pour ajouter à la senteur, pour que ça dure plus longtemps, parce que l'odeur en tant que telle de Volva Original dure environ une demi-journée sans un préservatif. Ils ont dû trouver des ingrédients qui rendaient sa vie donc plus longue, mais sans changer l'odeur. Voilà. Ils ont essayé plusieurs ingrédients de partout dans le monde et éventuellement, ils ont trouvé une combinaison qui fonctionnait. Évidemment, ils veulent pas dire c'est quoi qu'il y a dans ce parfum-là ou dans ce liquide-là ou peu importe. Par contre, ils confirment qu'il y a une vraie odeur prise dans un vrai vagin, en quelque part. Il répond à cette question-là. Est-ce que tu peux confirmer que c'est du vrai qu'il y a là-dedans? Il dit « Presque tout sur le marché du sexe est basé sur le fantasme. Souvent, les jouets sont en plastique. Au cinéma, c'est des acteurs. Et bien, Volva, par contre, est réel. Ils ont utilisé plusieurs échantillons de plusieurs femmes de tous les âges. Ils n'ont pas pris l'odeur de quelqu'un qui avait couru un marathon, ils précisent, ou rien du tout comme ça. C'est une combinaison, et là, je vais vous dire, la combinaison en général, il n'y a rien de précis, mais c'est d'urine, de sueur et de désir sexuel féminin. D'accord. Voilà, donc ensuite, il demande comment est-ce qu'on a transféré l'odeur de la femme jusqu'au laboratoire. Il dit que c'est aussi un secret, mais par contre, il peut nous dire qu'il n'a pas utilisé de technique de masturbation. Non. C'est-à-dire que je finis mes phrases sur un ton très, très bas, comme si je voulais pas le dire fort. Mais bref, c'est pas de la masturbation. Il dit aussi qu'il utilise seulement l'odeur d'une femme. C'est la femme blonde que vous pouvez retrouver sur leur site web, dont l'adresse est sur assemblagerequis.com. Bien sûr, il voulait prendre l'odeur d'une femme qui est belle, mais il a essayé une variété de femmes et à l'ultime, ils ont décidé que c'était pas le look de la personne, mais bien l'odeur qui importait. Ça a pris environ un an et demi pour se rendre jusqu'à la fin de ça, jusqu'au résultat. Mm-hmm. Bref, allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Ils nous disent qu'ils vont faire d'autres produits Volva dans le futur. Ah, j'aime ça. Toujours dans la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. On parle d'un produit, ça vient d'où? Ça vient de l'Asie, je crois. En tout cas, bref, ils continuent leur série que vous avez peut-être déjà vue sur Internet, le Beer Can et le FedEx Envelope, qui était un faux couvert de liqueur, de canette de liqueur qu'on pouvait sans fin comme ça ouvrir et satisfaire notre soif de juste ouvrir une canette. Tu sais comment c'est satisfaisant d'ouvrir ça? Bon, ça avait pas l'air tout à fait vrai, mais bon, ils ont continué avec le Endless Chocolate Bar. Mm-hmm. C'est la compagnie Bandai qui va sortir ce produit qui s'appelle Mugen Chocorito ou Endless Chocolate Bar, barre de chocolat sans fin. C'est un porte-clés. Et comme son prédécesseur, ça simule l'acte satisfaisant de casser un morceau de chocolat, encore et encore, sans prendre de poids, sans créer de bouton. C'est disponible au Japon à partir, en fait, depuis la fin du mois de janvier, pour environ 7$ par barre. Précise pas si c'est du chocolat noir, chocolat au lait, il va falloir choisir le modèle. Ici, peut-être que tu pourras pas l'amener nécessairement à l'aéroport et passer à sécurité. Bon, mais quand même, si vous avez besoin d'un couteau, hein, qui se plie et qui devient en lui-même une clé. En fait, c'est pas une vraie clé qu'on peut utiliser dans une serrure, mais quand même, c'est un couteau qui se replie pour faire une clé. Un bel accessoire, je trouve, quand même. Tu peux pas ouvrir de bouteille, rien. C'est juste vraiment juste une clé, comme ça. Comme ça. Ça coûte 25$. Hein, quand même. Le Cat in a Can est le prochain produit. Aucune valeur nutritionnelle, nous dit-on, mais quand même, à l'intérieur, il y a un chat gonflable. Hein? Pas de nourriture à chat à acheter, pas de litière à acheter. Tout ce qu'il vous faut, c'est juste de l'air dans vos poumons pour pouvoir gonfler ce chat gonflable. Ça coûte 12$ et c'est via le site nerdapproved.com. Et pour terminer notre chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. On termine avec un certificat de virginité dont vous avez peut-être entendu parler. Sinon, ben, je vous en parle ici. Hein, je vous en parle juste là. C'est vraiment un certificat de virginité qu'on vous envoie. Ça coûte 1$. Pas cher. Allez voir la photo. Allez voir ce que vous pouvez faire avec ça. Je sais pas qui aurait besoin de ça, mais ça existe. Ça devrait pas. Puis long. Voilà. C'est toujours Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Tout à l'heure, on va avoir une chronique technologique CNX. Hein? Il n'y a pas juste des choses non technologiques dans l'émission d'aujourd'hui. On va aussi recevoir Émilie Gauthier avec sa chronique plein air, veux-tu de sortir avec moi. Et je peux vous en parler tout de suite de quoi elle va nous discuter tantôt. La course à l'extérieur ainsi qu'un aperçu d'une bonne nutrition pour l'entraînement, c'est le sujet d'Émilie Gauthier dans sa chronique plein air tantôt. Pour l'instant, voici le nombre et couleur naturelle. Ah, c'est fou, 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Thank you. OK, go. Et This Too Shall Pass à Assemblage Requis, précédé de Polype avec La Peine en vaut le coup. Vous êtes toujours à l'émission du retour en pièces détachées. Vous le savez, c'est l'émission qui se passe entre 3h et 5h, qui termine la journée. Mais celui qui ouvre votre journée tous les matins depuis tellement peu de temps, finalement. Simon Fitzbid, On s'appelle et on déjeune, est avec moi en studio. Ben oui. Salut. Je suis venu vous dire bonjour. Ben, te dire bonjour parce que Kiwan n'est pas là, malheureusement. Non, parti en snow, le pauvre. Hey, c'est pas chanceux, ça. Il faut dire qu'il a déjà quand même pris du congé plutôt dans l'année passée, alors que c'était comme casser le dos. Ouais, il mérite un peu de temps libre. C'est ça. Ouais. En espérant qu'il ne se recasse pas le dos, finalement. T'sais. Ben non, c'est sûr. Hein, ce serait pas cool parce que là, quoi que lui, il doit avoir un bon rabais sur la crème glacée. Ah, oh! Ah, petite blague de camionneur ici. Petite blague de camionneur. Oh, ben ouais. C'est beau, ça. Il peut aller se coucher dans son camion si jamais il est trop chaud. Parlons un petit peu de ton émission, on s'appelle On déjeune, parce que les auditeurs de l'émission ici à Assemblage Requis sont pas nécessairement au courant de tout ce que tu fais s'ils écoutent juste l'émission du retour. Peut-être qu'ils se réveillent à midi, eux autres, on sait pas. C'est ça, ils se lèvent trop tard. Ça, ben qu'est-ce qui se passe dans ton émission en général, toi? Ben, on vous présente de la très bonne musique émergente, de la musique également qui nous vient des palmarès, lorsque c'est francophone, bien sûr. Mm-hmm. On vous présente également, il y a Sophie Laforêt, en fait, à chaque semaine, qui vient deux fois par semaine venir nous parler de ses goûts musicaux, les groupes Cadeco, elle vient nous présenter les groupes, donc c'est vraiment génial. Il y a aussi Stéphane Morancy, qui, une fois par semaine, vient s'immiscer dans le studio pour venir nous parler des activités de la chasse-galerie du 10-12. Ouais. Ça n'a pas manqué. Et on a aussi des invités donc qui viennent une fois de temps en temps. Donc, cette semaine, entre autres, on reçoit tous les candidats de l'AGEQTR, donc pour les élections qui auront lieu dans une semaine et demie, je crois. Mm-hmm. Et donc, tous les matins, cette semaine, je ne suis plus seul pendant 15 minutes. C'est plaisant. Ça te fait plaisir, c'est sûr. Ouais. Et tu parles aussi de l'Assemblée générale qui a lieu demain. Ça, l'Assemblée c'est générale qui a lieu demain également. Ben, il y a autre chose demain, je pense. Ouais. Quelque chose d'important pour toi, surtout? Non. Non? Non. Non, il n'y a rien? Non. Ah, OK. C'est comme tu veux. OK, tu peux le dire, si tu c'est veux. C'est la fête à Mathieu, hey, demain. Il va avoir 27 ans. Hey, ça m'importe beaucoup dans la vie, ça. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Ah, ben, c'est toi? Non, c'est pas toi. T'as-tu eu la bombe du 25? Moi, quand j'ai pogné 25, je suis tombé très, très dépressif en un mois. Pour vrai? Ouais. Non, c'est, moi, la chose bizarre, et là, je vais avoir l'air d'inventer des choses, mais c'est tout à fait vrai. On me demande quel âge j'ai. Il faut que je calcule à partir de la date de ma naissance parce que je me rappelle pas, parce que je m'en contrefiche. T'sais. C'est parce que t'es un grand enfant, dans le fond. C'est ça. Le temps passe, file, et puis... Tant que t'as pas vu la guerre des trucs, de toute façon, tu restes un enfant. C'est ça. Cœur jeune. Comme la margarine Bessel, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Hein? Y a pas de chanson, hein? Quand on a le cœur jeune. Ouais, je sais pas, moi, les jingles. Jacques Demers, sort dans ce corps. Les jingles de pub, sérieux, ça me rentre pas dans la tête. Je suis un des chanceux, dans le fond, qui a pas tout le temps la même toune de Viagra dans la tête. Ah ouais, c'est quoi We Are the Champions? We Are the Champions? Ah oui, c'est en vrai, anglais. Ils ont fait ça à m'emmener. En français, je sais pas c'était quoi. Hein? Ah, c'était une reprise de chanson. C'est matin, matin. Ouais. C'est qu'il y avait ça. C'était ça, il me semble. Ah, d'accord. Ils en font des belles pubs, eux autres. Hein. Ouais. Le budget va pas mal là-dedans. Ben, tu sais. Ça, puis dans les poursuites, parce que ça peut causer des crises cardiaques, mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Non, c'est ça. On préfère parler de Ron Jeremy et son infopub. Hein? Pour Extends, t'as pas vu ça? Non, Ron Jeremy fait une... Hey, j'avais vu Mr. T faire une infopub, mais Ron Jeremy, franchement... Je cherche sur YouTube Ron Jeremy Extends, là, c'est quelque chose, c'est un genre de faux talk show. Tu sais comment les... C'est rendu de même, les infopubs. Hein? Faut que ça ressemble à une émission. Oh, ils vont l'entendre taper sur son clavier. Oh, vite. Hein? Technologie, mais oui. 300 mots minutes. Ben, j'étudie en histoire, il faut écrire tout le temps. Et voilà. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Hein? Exactement. C'est bon pour à peu près 20 ans, puis après ça, c'est passé date à ce qui paraît. C'est ça. Donc, on disait, je comprends pas comment ça fait que les infopubs de nos jours doivent avoir l'air d'une émission. Faut peut-être que ça ait l'air sur le talk show, sur une émission de nouvelles, ben sur une émission de placotage. Genre, c'est ridicule. Les gens pensent vraiment que c'est ça l'émission. Ben oui, c'est assez ordinaire. Puis surtout, tu sais, il passe 3-4 fois par jour. Mal traduit, si t'écoutes ça, mettons, à Canal Infopub, je sais plus quoi, je sais plus comment TV ça s'appelle. TV Achat maintenant. TV Ça a changé de nom, ça a été TV Achat, ça a été Télé Achat, ça a été Infopub, ça a été... Mais moi, le poste que j'aimais, puis c'est dommage, je sais pas si ça existe encore sur les autres distributeurs, mais en tout cas, Trois-Rivières, parce que je suis arrivé, il l'avait pas, c'est, tu sais, le gars qui parle vite, avec des photos, là, il fait juste montrer, mettons, une maison à vendre dans cet secteur. Ah oui, télé-immeuble, genre. Oui, ça, c'est génial. Oui. Puis, tu retrouves de tout, là. Il me semble que j'ai vu quelqu'un qui vendait des pantoufles une fois. Ah oui. Le gars, il parle vite, puis... Je passais des heures à regarder ça avec ma mère, puis on était à jeun, puis on faisait juste regarder ça, puis on trouvait ça très cool. Wow. On aimait bien, c'était réconfortant. Let's buy some pintuffles together. C'est réconfortant comme le lait. Non, le nom de TVHA, là, ça a rechangé. Je vous l'ai dit. Téléachat, TVHA, Canal Infopub, là, c'est Shopping TVA. Là. Ah, Shopping TVA, ben oui. Et à ce qui paraît, en fait, c'est drôle qu'on parle de d'Infopub parce qu'il en parlait à la télé sur un poste donc, de la chaîne câblée. Notre compétition, évidemment. Ouais, aussi. Grosse compétition. On ne dit pas laquelle pour que vous ayez voir. Mais il en parlait et il disait que. Cette chaîne-là de TVA, donc d'Infopub, leur apporte une somme incroyable d'argent. Ah ouais. Est-ce que tu penses qu'une grosse partie du salaire va à Louise, Marie-Louise, José, Louis-José, Marie Mondeau? Ouais, cette femme-là, probablement, ouais. Louise-José Mondeau. Louise-José Mondeau. Elle était chanteuse, elle, ou actrice avant? Je sais pas, hein. J'espère qu'elle gagne beaucoup parce que. C'est assez dommage, quand même. Métier à temps plein de vendre des cossins à TV, hein? Ouais. C'est comme. Vas-y. Non, vas-y. Ah, ben, comme il disait, une semaine est obligé de dire que ce produit-là, c'est le meilleur qui a jamais sorti, puis que les autres valent pas de la scrap. Finalement, elle a l'autre produit la semaine d'après. Bon, ben là, elle est obligée de dire que ce produit-là, c'est le meilleur du monde, puis que les autres valent pas de la scrap. C'est n'importe quoi. Mais le pire là-dedans, hein, c'était dans le temps. Je me rappelle pas c'était lors de quel nom qu'il y avait dans ce temps-là, mais je me rappelle spécifiquement qu'il y avait des produits où ils leur inventaient un nouveau nom juste pour le canal. C'était comme un nom en français. Le produit était en anglais, fait qu'ils masquaient le nom dans les quand ils montraient le petit vidéo de démo, là, de démonstration. Ben voyons donc. Ouais, il y avait comme un tape dessus, c'était ridicule. Ça. Pour pouvoir l'appeler avec leur nom Fan. C'était le fun. Eh bien. Souvenir. Croyez-le ou non, vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, l'émission qui parle toujours de n'importe quoi, mais on aime ça. Ouais. Tout à l'heure, on va recevoir Émilie Gauthier qui va nous parler, et je le rappelle encore aujourd'hui, de façon de faire, là, de façon de faire pour faire de la course à l'extérieur. Elle va aussi nous parler de bonne nutrition pour l'entraînement. C'est sans la chronique. C'est comme la sandale chronique, c'est dans sa chronique. Inversement de la lettre. C'est dans sa chronique. Ouais, hein. Dans sa chronique, veux-tu sortir avec moi tout à l'heure vers les 15h15-20 dans ces coins-là. Mais pour l'instant, on va écouter un petit peu de palmarès francophone pour changer. Voici Fred Fortin avec Mu au 89.1. Ma cabane est faite de riz et de prix fini. C'est Mumu, mon petit frère, qui un jour l'a bâti. Dans le simple but de se défoncer la tomate. À l'abri des chiens, des loups, des millions de primates. Complète cravate. Et pour comme de la il y a toujours des limites au n'importe quoi. Ron Jeremy, Colin. Je ah ouais, je sais bien. Il est vraiment affreux. Vraiment. C'est... D'ailleurs, est-ce que tu as vu le film Orgasmo? Non. Ça, non. C'est une parodie, c'est pas un film 3X. N'ayez pas peur, là. Quoi qu'on voit beaucoup de madame dévêtue. Mais en fait, c'est un des premiers films où on peut voir les membres de South Park, les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, dans un film. Ça a été réalisé par Trey Parker. Et en fait, c'est un mormon qui commence à faire de la pornographie parce qu'il est capable de se battre. Donc, il participe à aucune scène d'action d'un film 3X, mm-hmm. mais il fait des scènes d'action de bataille parce qu'il est capable de faire du kung-fu. Et Ron Jeremy joue un méchant là-dedans. Et c'est plein de porn stars, en fait, mais un petit peu passé de date. Tout sur le bord, tu sais. Mais c'est très, très, très drôle. Des futurs has-been. Ouais, mais ça vaut la peine. Ça okay. a été fait en 95, je pense, quelque chose comme ça. Il y a d'ailleurs le gars qui joue aussi dans Basketball avec eux autres. Ouais, qui est aussi un film de Trey Parker et Master. Ouais, également. Mais en fait, ça a été réalisé par les gars de l'Agent Falaface. Ah, oh! Mais eux autres jouent dedans. L'Agent Falaface, c'est chose Police Squad, ça, en vrai? Non, c'est... Non. Comment ça s'appelle? Je m'en rappelle plus. C'est pas pareil, c'est Full Naughty, non. Naked Gun. Naked Gun, et voilà. Oh, à deux, on l'a eu. On l'a eu. Bravo. Nous, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec une deuxième heure et la grande présence d'Émilie Gauthier pour sa chronique plein air. On l'a dit plusieurs fois depuis le début, mais ça s'en vient très bientôt, ça. Vrai qu'elle est grande. Ben, tu sais. Bon. Elle a dit qu'elle serait à l'Assemblée Générale demain, dès 11h30. Ah, là, t'invites tous les pervers à venir, par exemple. C'est ça que tu veux dire? Ben non. Ça va vraiment amener toutes les fans de voix féminine de C'est fou, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rit. Mais hey! Des uns et des autres. Crazy, crazy, crazy. Et reste là. C'est fou comme un ballet. Bon, vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission de retour en pièces détachées avec Mathieu Plante et en remplacement de Kiwan, Simon Fitzbé. Bonjour tout le monde. Oh, mais c'était sérieux comme ton, c'était un petit peu trop solennel, non? Trop solennel, ok. Là. Salut, gang. Salut, yo, gang. Allô, la gang, ça va bien? Demain, on rappelle à tout le monde de venir à l'Assemblée Générale. Oui, très importante. De quoi est-ce qu'elle va parler, cette Assemblée Générale-là, en de général? De nous autres. Ben oui, notre avenir. Ben oui, qu'est-ce qui va arriver? C'est vraiment notre avenir qui est en jeu. Si vous voulez continuer d'entendre C'est fou sur votre radio et lire le journal Zone Campus dans votre, dans vos mains, au main ou sur Internet également. Oui, partout. Donc, ces médias-là ont besoin de vous et ça a lieu demain à partir de 11h30 au 10-12, ici même dans le pavillon Néré-Beauchemin de l'UQTR. Oui. Soyez-y. Oui, soyez-y. Surtout les étudiants. Ben oui, surtout les étudiants parce que on passe, donc il faut passer avec notre carte étudiante. Oubliez-la pas pour tout simplement s'identifier, monter des listes du quorum qui est ce qui est là. Et habituellement, ceux qui ne sont pas étudiants, à moins de se présenter pour être administrateur donc de la communauté. Je pense qu'ils ne laissent pas entrer, malheureusement. Et voilà. Mais vous pouvez vous présenter comme administrateur de la communauté, parce qu'il va y avoir une élection du nouveau CA, aussi en même temps. Ça vaut la peine. Oui, et on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé comme ça, assez fou, les irrégularités, les congédiements, là. Tout ce qu'on entend parler depuis une couple de mois, mais que... Voilà. Les rumeurs, là. Les rumeurs. Vous entendrez parler demain. Puis vous allez peut-être avoir du café gratuit. Habituellement, la GE fournit du café ou quelque chose de même. Ah. On se croise les doigts et sinon, je lance un appel à tous côté café. Tout le monde à la GE. Ils sont dans le bureau, ils sont dans les nous. Clin d'œil. Ouais, clin d'œil. Ouais. Bon, bref, on vous le rappellera. Je dirais une couple de fois d'ici à demain, 11h30, qu'il y a une assemblée générale. Mais pour l'instant, ça va entendre en musique The Almost et leur pièce Monster sur Assemblage Requis au 89.1 FM. C'est fou. C'est fou. Yeah. Yeah! Bravo, bravo, congratulations! Bravo, hey. Funk. You are very good. Oh yes, very good, very good, very good. C'est la pièce Ta mère va danser de Bravo Funkin, ça vient de leur maxi 1000 miroirs et c'était précédé de The Almost. Vous êtes toujours à Assemblage Requis et on a une petite surprise pour vous. On ne vous l'a pas annoncé précédemment dans l'émission. Là. C'est comme vraiment un genre de. On vous saute dessus avec ça. On vous offre à manger. On vous invite à manger. Oui. On a ici des coupons rabais chez Yuzu Sushi. Oh oui. Des sushis à 1$. Hey, c'est... Oui, oui, 1$. Incroyablement pas cher et en plus très très bon chez Yuzu Sushi. Est-ce que tu as mangé chez Yuzu? Malheureusement, pas encore. J'ai pas gagné de certificat cadeau. C'est plate que tu puisses pas participer au concours ici. C'est, hein. C'est vraiment dommage. Ouais, ouais. Donc, Yuzu Sushi qui vous offre un certificat cadeau, un bon d'achat. Donc, on vous offre ça si vous nous téléphonez au 819-376-5183 pendant la prochaine pièce musicale. 819-376-5183. On va prendre les quatrième et cinquième appels, mettons. Ouais, pour l'instant, on écoute Galactic. Voici Boom Money. À Sondage Rocky. Les sushis à 1$. 1$ seulement. Je trippe sa pub. Moi, je la mettrai dans mon iPod. Je le traite très longtemps. Le pire, c'est que tu peux le faire! Oh yeah! Oh. Oh. Comme quoi, c'est ça la beauté de ces fous, hein? C'est l'éclectisme et on passe d'un sujet d'un à l'autre. Mais c'est ça qui est génial. Des fois, ça a l'air fou un peu, là. Mais on a des beaux formats. Des beaux formats. Ouais. Des formats. Ouais, ouais. Petit, moyen et... Extra large. Et qui fit pas. Ah ouais, extra large. Vous êtes à l'Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Ce qui vient de jouer, c'est Galactic avec Beau Money de leur album Yakame. J'aime beaucoup ça, le funk de Galactic. Ça sonne très bien. Oh que oui. Et j'aime aussi parler des fois de technologie. Ça arrive, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, là. Mais quand même, quand on en parle longtemps. Yeah. Voici CNX. Ah, j'ai laissé la roulette. Attends, j'ai laissé... Mettons... Rien de spécial. Hein? J'ai pas d'écouteur, moi j'entends rien. C'était une roulette qui roulait et qui disait à la fin rien de spécial parce qu'il y a pas de sujet aujourd'hui. Il y a pas de sujet. Pas vraiment de sujet spécifique, là. C'est juste un ramassis de choses qui sont passées sur Internet cette semaine ou en général des nouvelles, des trucs le fun. Ça. C'est bon, ça c'est un melting pot. Ben voilà, c'est comme un pot pourri. Un pot pourri. Dire en français, un pot pourri en... Non. Ouais. Je sais pas pourquoi je finis mes phrases comme ça quand je fais un accent français, ça n'a rien à voir ça. Non, c'est... Pas grave. Commençons par A Night of 140 Tweets. Est-ce que tu as entendu parler de cet événement-là qui avait lieu pour Haïti? Non, c'est quoi? On envoyait des tweets. Non, pas exactement. Donc, A Night of 120 Tweets. Bon, on sait que sur Twitter, c'est 140 caractères à la fois. Donc, on a juste pris le chiffre 140 comme genre de point de départ pour organiser cette soirée-là spectaculaire avec 140 vedettes, entre guillemets, de Twitter. Donc, des gens qui sont productifs sur Twitter, qui sont drôles sur Twitter. Donc, ils sont passés par l'Upright Citizens Brigade et ils ont performé chacun un seul de leurs tweets. Donc, un de leurs tweets les plus mémorables, une phrase drôle, par exemple. Donc, chacun de ces invités-là venait sur scène, présentait son tweet avec un micro, donc vraiment parler. Et donc, c'était pour ramasser de l'argent pour Haïti. Il y avait des vedettes comme Ben Stiller, Jenny McCarthy, Bob Saget, un paquet d'autres gens comme ça. Et si vous n'avez pas pu vous présenter à l'événement, est-ce que tu es allé? Non, non, pas du tout. Malheureusement. On peut maintenant acheter le DVD sur Amazon pour seulement 11$. Oui, la soirée au grand complet sur DVD, 140 tweets de vedettes que vous pourriez avoir gratuitement en allant sur leur page Twitter. Ben oui. Mais ça ira pas à Haïti, ça, visiter une page Twitter. Non, c'est sûr. Ça va aller dans les poches des magnats de Twitter. Et voilà les milliardaires, certainement, de Twitter, malgré que... 140 caractères à la fois. Et voilà. Est-ce que t'es fan de Twitter? Est-ce que t'aimes ça? Je suis jamais allé sur Twitter, non, pour être franc. Au début, moi aussi, j'étais dans le camp de ceux qui disaient « Ah, mais je veux pas savoir qu'est-ce que les autres ont mangé pour déjeuner. Hein. » Ouais. Ouais. C'est un peu le mythe autour de Twitter, que c'est vraiment des affaires pas intéressantes. Mais quand tu suis les bonnes personnes, c'est là que ça devient bien. Un petit peu comme sur Facebook, là. Si c'était pas des gens qui passaient des affaires intéressantes, Facebook, c'est rien, dans le fond. Ça. C'est ça. Ça serait très dommage, mais c'est-à-dire, je fais un peu l'expérience. Par contre, parce que j'ai une amie américaine donc qui, elle, écrit de Twitter ou de ping.com, quelque chose comme ça qui ressemble un peu à Twitter. Ça envoie ça sur Facebook. Donc, j'ai un peu l'idée, mais c'est qu'il y a pas je trouve qu'il n'y a pas de contact avec la personne. Quand tu es sur Facebook, tu écris, tu as une réponse pratiquement automatique exact. De la personne. Il n'y a rien. Et il y a bien des gens sur Twitter qui suivent plein de gens, mais qui se font suivre par plein de gens, donc qui ont plein de followers, mais qui ne suivent personne eux-mêmes. C'est ça. Est-ce que tu as entendu parler de la femme rendue célèbre grâce à Conan O'Brien? Oui. Oui, Lovely Button. Oui, c'est la seule personne que Conan suit. Oui. Et donc, cette personne-là est devenue, je pense, un millionnaire de tweets dans le moment. Donc, Conan a juste décidé de choisir quelqu'un au hasard comme ça un peu. Et puis, il est tombé sur, genre, une des plus grandes fans de Conan. Donc, la fille est devenue super, super connue pour ça. C'est vraiment cool. Je l'ai su sur Facebook et sur Twitter. Et je trouve que ce qu'elle a à dire elle-même est très intéressant. Autant que ce que Conan a à dire. Autant que ce que les différents accessoires... Je sais pas si t'as vu tu l'as peut-être pas vu vu que tu suis pas Twitter. Mais depuis que Conan a démissionné de son émission, il a ouvert un compte Twitter. Donc, c'est maintenant là qu'il propage la bonne nouvelle de sa tournée dans des théâtres et des endroits. Ouais, parce qu'il n'a pas le droit de faire de télé jusqu'en automne prochain. En fait, sa tournée s'appelle The Legally Prohibited From Being Funny on Television Tour Presented by Mastercard. Donc, la tournée illégale que j'ai pas le droit d'être drôle à la télé. La tournée, j'ai pas le droit d'être drôle à la télé. Ouais. Bref, mais c'est ça. Donc, sur Twitter, ils propagent ça. Et puis là, ben, les gens ont créé, des fans de Conan ont créé des pages Twitter, par exemple pour sa barbe, pour son écureuil, pour son charpie, pour un paquet d'affaires. Donc, chacun de ces comptes-là font des drôleries par rapport à ce que Conan écrit sur son compte Twitter. C'est génial. Ah ben. J'adore ça. Ça serait déjà visité un jour. Eh oui, tu m'en donnes des nouvelles une fois que tu seras sur Twitter. Tu vas voir que le fait d'avoir 140 caractères à la fois te force à faire des phrases qui sont plutôt intéressantes au lieu de juste dire n'importe quoi comme sur Facebook. Déjà, les Facebook, c'est quoi? C'est 290, quelque chose comme ça? Est-ce que tu t'es déjà rendu jusqu'à? Souvent, j'ai souvent dépassé. J'ai été obligé de soit couper mon message en deux ou de l'éditer. Ça, j'aime pas vraiment m'éditer. Ah, moi non plus. Se corriger, s'auto-censurer, c'est jamais le fun. Non, c'est exactement. Et voilà. Ensuite, tiens, parlons d'une photo rapidement comme ça que j'ai trouvée sur YFrog et via Twitter encore une fois. C'est quelqu'un qui a fait des symboles de pi, c'est le chiffre pi, là, oui. 3.14, bon. En genre de patate. Et ça m'a rappelé que, ah ben c'est vrai, c'était la journée nationale internationale pi du pi. Bye day. Est-ce que tu as célébré? Non, malheureusement, j'aurais dû sortir ma calculatrice et faire un 3.1416 ou 3.1459. Mais Mais j'ai des anecdotes sur Pi, par contre. Ah oui? Je te raconte. Raconte. Quand j'étais au secondaire, mon professeur de mathématiques, qui est un vieux de la vieille, il nous comptait des fois qu'il avait travaillé avec les premiers ordinateurs. C'était des grosses machines, là, à peu près grosses comme notre studio. Et il avait demandé... C'est pas si gros que ça, finalement. Mais quand même. Il avait demandé de calculer la valeur de Pi. Et c'était à l'époque, c'est que ça imprimait sur des petites bandes de papier. Et il avait gaspillé, dans le fond, parce qu'il était parti toute la fin de semaine. Il avait oublié d'arrêter le calcul. Et il avait gaspillé une caisse complète de ce petit papier-là, vraiment tout petit. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de papier. La machine calculait encore. Ah non! Oui, et sur le site mentalfloss.com, vous pouvez vous acheter des chandails qui dit Easy As 3.1416. Donc, facile comme Easy As Pi. Ah, j'adore ça. Mais une autre chose que j'ai trouvé vraiment cool, c'était le site PiDayMagic.com, donc PiDayMagic.com, qui célébrait donc le 14 mars 2010, encore une fois, sur Twitter, ont fait le plus grand tour de magie du monde sur Twitter. Donc, les gens devait poster, en fait, il devait faire une opération mathématique sur une calculatrice, là. Bon, je me rappelle pas c'était quoi exactement, mais genre 3 fois 15 fois 5 fois 6 fois un paquet d'affaires, un paquet de fois. Ensuite, choisir un des chiffres, jusqu'à temps que ça se rentre dans entre, mettons, 1 million puis 1 milliard, là. J'irai pas dans les spécificités, là. Mais ensuite, choisir un chiffre de ça, le garder, c'est ton chiffre secret, et là, partager tous les autres chiffres du grand nombre, les poster sur Twitter, et là, par un processus mathématique, c'était organisé par un magicien célèbre, Brian Brushwood, et un mathématicien célèbre aussi, et là, en fin de compte, tu postais tes autres chiffres et puis il te renvoyait par message personnel ton chiffre secret. Et puis ça marchait. C'était cool. C'était le 14 mars. Et puis si vous le faites, ils disent qu'ils vont continuer de le faire aussi longtemps qu'il va y avoir de la demande pour célébrer le jour de Pi pour le plus longtemps possible. La journée qu'on va tomber le 14 mars 2016. Le 3e mois, 14e wow. jour, l'année 16. Est-ce que tu penses qu'ils vont célébrer en 2016 parce que le 15 n'est pas justement arrondi à 16, mais en fond c'est 15, puis c'était pas un 9. Moi, en tout cas, quand j'ai appris ça, c'était 3 fois 14, 16. Ouais. OK, mais je sais pas. Mais ça se peut que ça ait changé. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire en 2016, en effet. Ensuite, tiens, parlons d'un article sur The Universal Record Database, le urdb.org, qui nous parle d'un événement qui avait lieu le 13 mars dernier au Big Dig Shindig, qui était dans le festival South by Southwest Interactive. C'est ça, ça parle exactement de ce que j'essayais de dire, c'est les détails de ce que j'étais en train de parler. Brian Brushwood, Justin Robert Young et Brett Rounceville qui ont participé dans la plus grande blague ou attrape sur Twitter. Donc, c'était à l'intérieur du même événement où Brian Brushwood était pour faire son truc sur Twitter dont je viens juste de parler. Ouais. Mais ils ont aussi fait la plus grande blague du monde. Donc, l'idée était de faire une blague aux gens dans le public. Donc, ils ont fait semblant que Conan O'Brien allait rejoindre, à la place d'avoir une émission de télé, qui allait rejoindre la compagnie Internet Revision 3, donc pour avoir sa propre émission talk show sur Internet, sur Revision 3, qui est chose une chaîne légale. Exactement, il pourrait le faire d'ici à septembre. Donc c'est ça, Revision 3, qui est un très bon site qui héberge des émissions de télé numériques. 525 tweets ont été envoyés avec le hashtag, l'expression dièse OMG Conan. C'était envoyé à l'intérieur de 3 heures, ce qui a fait que c'est devenu un sujet populaire sur Twitter. Et là, Universal Record Database, son président Dan Rollman, était présent comme témoin pour certifier que c'était vraiment la plus grande attrape jamais faite sur Twitter. Le compte de 525 a été pris reconnu par l'argent de recherche de Twitter. Donc, quand tu cherches le hashtag OMG Conan, ça donne vraiment 525 tweets entre 9h et midi. Et il y a des milliers d'autres tweets qui étaient reliés à cette attrape-là qui ont eu lieu, mais qui n'ont pas été inclus dans le compte final parce que c'était pas dans la période de 3 heures. Voilà, donc une belle attrape réussie. Eh bien, félicitations. Tout à fait. Salut. Oui, tout à fait. Sinon, sur Kijiji, j'ai vu ça sur Twitter encore une fois. Sur Kijiji, quelqu'un vend une collection de bonhommes carnaval, provenant vraiment du carnaval de Québec, de tournois de hockey mineur, de divers carnavals ou carnavaux. La collection comprend 24 bonhommes. Vous pouvez venir chercher ça à Blainville ou par la poste aux frais de l'acheteur. Ça coûte 60$ sur Kijiji, ce qu'on peut pas vendre sur Internet, toi. Hey, justement, parlant de ça, je viens de recevoir, d'ailleurs, vous allez pouvoir entendre ça jeudi matin, les membres de J'ai le cancer, groupe Trifluvien, donc en entrevue, on a préenregistré le tout. Et un des membres du groupe, Joshua, qui est un des musiciens, s'est malheureusement arraché un ongle alors qu'il travaillait sur un truc, donc il y a une poids de 200 livres qui est tombée sur son doigt. L'ongle est tombé, il l'a mis sur eBay. Et il a été vendu, je crois, pour 2$ et quelques, mais donc, des choses qu'on peut vendre. Ben, 2$, wow. Quand même. Ouais, quand même. Pour un ongle ensanglanté, c'est quelque chose. Tout à fait. Est-ce que tu as vu la vidéo de chatroulette fait par un genre d'improvisateur, un gars qui improvise des chansons par rapport aux gens sur chatroulette? Est-ce que tu as trouvé ça sur crack.com? Est-ce que tu en as parlé déjà? Non, mais j'ai vu le vidéo par contre. OK, ben, c'est très très bien. On va écouter un extrait d'ailleurs. Discrétion des parents bien conseillée parce que ça jure un petit peu. Oui, petit peu beaucoup. Les jurons. Ben, la discrétion des parents est demandée également pour chatroulette. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un pourcentage assez élevé de... De bananas. Qui, ouais, c'est ça. Reclining dude in a white tank top. Leaning his head on his hand. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept de chatroulette, là, premièrement, embarquer un petit peu dans la vague technologique de 2010, là. Chatroulette.com, c'est dans le fond un site où deux webcams apparaissent. Ta webcam et la webcam de quelqu'un d'autre, et tu peux passer d'une à l'autre, de personne à une autre sur Internet rapidement, juste en cliquant sur Next. Et là, on te présente un nouveau gars ou une nouvelle fille. Et là, tu peux chatter en texte avec, et puis t'as le microphone aussi possible. Donc, tu peux parler et puis écouter. Mais c'est en fait, on essaie d'inviter les belles personnes maintenant sur Internet. C'est-à-dire que tous les geeks et les rejets de la société sont là. Mais là, on essaie d'attirer les belles personnes avec l'image. Et voilà, voilà. Donc, le gars, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assoit à son piano avec la webcam sur lui. Et puis, les autres gens, aussitôt que tu fais Next, le gars, il vante une chanson par rapport à la personne. Comme, elle a des lunettes et il fait sombre chez eux. Et là, là, là, là, le gars est couché sur son lit. Tu sais. Et ça sonne quand même très bien, je trouve. Misunderstood the situation. You turn up the contrast and your face got brighter. It's interesting. Tu viens de monter ton contraste et ta face est maintenant plus pâle. C'est ça les paroles, c'est vraiment très très intelligent. J'aime ça et le gars ressemble un petit peu à Ben Folds. Là, c'est ce que nous dit l'article, donc c'est plutôt génial. Et puis, ben c'est ça, c'est tout pour la chronique scénique ou presque. Aujourd'hui, on se quitte avec une genre de petite pensée de Mademoiselle Emma sur Twitter, hein, Marie-André Labbé, qui nous dit « Si nous sommes ce que nous tweetons, nous sommes souvent les autres. » Ah, ça me touche. Ça me touche. Songer. Je me touche. Non, ça, c'est chatroulette. Je me suis confus de... Voilà. Mm-hmm. Pour la chronique scénique. S'il y en a une autre, Monday, une fois de temps en temps... Ici à Assemblage Requis, elles sont regroupées en un seul et même fichier qu'on zip tous les jeudis matin à 10h à cnx.zip. J'y serai. Ça, c'est un... Alors, fais ça. Oh, wow. On se croirait dans une radio où on aurait un petit soundboard avec des effets sonores dessus, puis on pourrait appuyer dessus, puis là, les gens en abuseraient, puis ça aurait l'air complètement débile, tu sais. Eh oui, et on deviendrait comme n'importe quelle radio générique plate. C'est ça. Moi, je trouve, j'aimerais ça avoir ça pour certaines affaires, mais en même temps, une chance qu'on n'a pas ça. T'sais. Ouais, ce matin, moi, j'ai essayé de faire ça justement lorsque je parlais que l'Internet pouvait mourir à n'importe quelle minute. Ouais, ça a pas très bien fonctionné. Non? C'était quoi tes effets sonores? Tu sais, la vidéo avec la gerboise, là, qui fait un. Le petit genre d'écureuil quasiment qui se revire de bord pour imaginer la chose. Ouais. C'est ça, mais le son était pas très très bon. Pa-pa-pa! Ça ressemble à ça, je pense. Peut-être l'entendre dans les meilleurs moments si jamais. Si jamais je décide de découper celui-là. Si Mathieu décide de le mettre là. Ouais. Me le dira, puis je le ferai. T'sais. OK. Voilà. Toujours Assemblage Requis. Le temps file, et je me dis, mais pourquoi donc pas arrêter ici, relaxer un peu et prendre un peu d'air frais, sortir dehors un peu tranquillement, mais pas trop longtemps, parce qu'il faut que vous soyez revenus, parce qu'après la pause, il va y avoir la chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi, avec Émilie Gauthier? Restez là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Le bon métier dans tout temps! Le écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Oui, vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu, mais aujourd'hui, Kiwan n'est pas là, donc c'est Simon et Mathieu. Oui, je suis là pour quelques temps encore. C'est ça. Tu restes un peu pour la chronique d'Émilie Gauthier. Hein? Ben oui, je m'ennuyais d'elle, je la vois plus. C'est vrai, c'était la même journée avant, ça. Ça a changé. Oh, les temps changent, on ne se reconnaît plus, on n'aime pas ça. Donc voici Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Ah, que d'émotions aujourd'hui, que d'émotions! Oh oui, hier j'ai croisé Simon dans les couloirs, là, puis j'étais toute émue. Là. Bouleversée là, de oui. Le revoir. Il y a grand. J'ai grossi. Non. Ah, hey, j'ai grossi. Oh. Non. Ben, peut-être que tu dis que oui, mais non. En tout cas, mes vêtements, mes pantalons me disent que oui, mais c'est correct. Je joue quoi d'abord? C'était très bien, hein? Ça y fait bien? Ça te fait bien, oui, oui. Mais peut-être aussi tu vas t'inspirer de la chronique d'aujourd'hui pour te remettre en forme. Ça pourrait être pas ça, ça pourrait, ça. Ah, mais quelle synergie et symbiose et convergence des sujets, ça n'a même pas de sens. Tu nous parles d'extérieur, évidemment, comme toujours, mais le conseil, aujourd'hui, tu nous conseilles. Mais oui, parce que là, à peu près dans le même conflit qu'à l'automne passé, toutes les activités d'hiver sont fermées parce que là, il n'y a plus de neige. On est entre deux. Kiwan est en snow. Mais... Oui, c'est ça, mais vraiment, si on reste dans le coin de Trois-Rivières, faut vraiment aller à l'extérieur, comme dans le parc de la Mauricie, il reste encore de la neige, mais faut vraiment aller chercher, c'est plus spécifique à ce temps-ci. Fait que je me suis dit, puis les activités d'été sont pas encore ouvertes, là, on s'entend que j'irai pas me baigner à cette époque. Ah, Colin, moi je m'en allais à Val-Cartier en fait, ça T'avais ton speedo en studio déjà, tu sais maintenant, là. Mais oui. Voulez-vous le voir? Non. Non, ça va aller. Fait que, dans le fond, la semaine passée, j'ai parlé d'espaces en voie de disparition comme la forêt amazonienne et la mer morte. Cette semaine, je vous parle d'un nouveau type d'espaces en voie de disparition. Les parking à l'UQTR. Ah. Oui, donc, alternative plein air, venez à pied. Ah! Oui? Ah, ben c'est bien ça. Kiwan est à pied à tous les jours et Maxime est en vélo et les deux s'en vont tout le temps. C'est bien? Oui. Moi aussi, je suis à pied, bon. Bon, ben, Caroline, formez donc un club, faites-vous donc des cartes, puis écrivez nos Mathieu comme dans les Simpsons quand il faisait nos Homers. Oh, ça serait drôle. Ça serait drôle, hein? Ouais, pas du tout. C'était quand même une petite introduction subtile, tu sais. Moi, je trouvais ça drôle, là, mais c'est peut-être juste dans ma tête quand je l'ai écrit, je trouvais ça très drôle. Mais bon. Ben, ça aurait été plus drôle si je l'avais pas coupé en le milieu, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, dans le fond, aujourd'hui, je vais parler de course à pied. OK. C'était juste ça. Oui, ben, c'est. Oui. C'est drôle, hein? C'est pas juste ça, c'est plaisant, pas un c'est petit bien. Son, là, pour faire. Ah! Non, on n'a pas encore acheté. Pas de budget tant que ça pour ça. Ouais, okay. Ben, oui, tu parles de course à pied. Là, ça s'accordait un peu plus à la saison hivernale, mais bon, il y a encore de la neige, il y a encore un peu de glace. Fait que c'est quand même des précautions à suivre durant la course à pied extérieure. C'est pour assurer, dans le fond, une bonne progression, éviter des blessures causées par le froid, la glace. La luminosité, là, on vient de changer d'heure. Fait que normalement, ça devrait aller mieux. Puis il fait tellement beau dehors que c'est plus vraiment une problématique, mais... Le seul problème, c'est quand tu te lèves à 5h30 le matin, que tu commences à avoir l'habitude d'avoir le soleil qui se lève en même temps que toi et que là, tu retombes dans le noir. Mais bon, ça, je suis seul dans ma condition. Il y aura plein de présidents, sûrement Obama, qui a décidé ça. Non, c'est Bush qui a décidé Bush. Ça. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, je suis habitué, tu sais, Mathieu. Je déteins, hein? Ouais, c'est ça, Mathieu. Fait que... C'est pas commode. Je suis pas commode. Je peux-tu commencer? Oui, excuse. Okay. Oui. Bon. Fait que je pense plus qu'on est en saison hivernale, mais bon, là, il reste encore de la neige, des flaques d'eau, la température fait pas 20, mais il fait quand même pas si chaud que ça pour courir. Donc, petit conseil, course à pied aujourd'hui, course à pied et nutrition. OK. Je fais ma petite nutritionniste aujourd'hui. Je fais ma José Lavigueur. Ah! Ouais. Fait moins 11. Fait 11 degrés, pardon. C'est bien ça, c'est bien. J'espère pas moins 11. Non, fait 11. Fait que voilà. Souvent, le monde a arrêté de courir à l'automne lorsque la température ne permettait plus. Donc, on a arrêté de courir ou on courait à l'intérieur. Courir à l'intérieur implique pas de changement de température, donc le corps force moins. C'est pour ça que là, il recommence à faire plus chaud. Faut y aller plus. Même si à l'automne, on avait un bon cardio, faut y aller plus progressivement pour laisser le temps au corps de s'habituer au changement de température. Fait que ça prend environ une dizaine de jours au corps à se réhabituer au changement de température. C'est quand même long, hein? Mais c'est quand même... Puis c'est conseillé de ne pas courir à tous les jours, donc un jour sur deux. Donc moi, je dirais que ça prend à peu près deux, trois semaines pour se réhabituer tu doubles ça s'il faut en plus que tu fasses attention quand tu cours, faut pas que tu piles les crottes de chien qui sont sortis en dessous des bancs de neige. Fait que ça double le temps, là. Mm-hmm. Ouais. Il y a d'air de chien qui levait le banc de neige pour tasser la crotte en dessous. Ouais. Ça disparaît quand même. C'est ça. C'est comme la poussière en dessous du tapis. Ah, OK. J'étais pas sûre de la comprendre. Il vit dans un dessin animé. Ah, ça doit être ça. OK. Donc, je conseille aussi de faire un petit échauffement à l'intérieur avant de partir pour préparer le corps. Premier point. Bonne idée. Deuxième point, on est en changement de saison, donc il reste des fois des petites plaques de glace, des petites buttes de neige. Fait qu'il faut quand même faire attention pour pas se tordre une cheville, ce qui n'est pas très agréable. C'est pourquoi c'est conseillé aussi de raccourcir ses foulées, d'augmenter le nombre de pas qu'on fait, contrairement à l'habitude, pour éviter de se blesser durant la course. Comme ça, à la piste cyclable, hier, il y avait des endroits que je pouvais même pas jogger ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il reste beaucoup de neige. Faut vraiment faire attention pour... Ici, dans le coin de l'université, en plus, c'est tout couvert par des arbres. La neige va prendre du temps. Moi, je suis un adepte de vélo et là, j'attends anxieusement le temps que je vais pouvoir commencer à aller en faire. Ouais. Exactement. Moi, ça va sortir de laver. Moi, ça va être ça que je vais faire. Moi. Ça fait comme un an, je m'en suis pas servi. Et plus. Moi, il est passé l'hiver en dessous de la neige. Fait qu'il va falloir que je le fasse vérifier par un professionnel. Mais c'est un bon conseil, ça. Mm-hmm. Ça s'en venait plus tard. Oh, désolé. Ben, en fait, c'était l'entretien des chaussures. Mais là, tu parles de vélo. Je pourrais parler de vélo la semaine prochaine. Ça serait une bonne idée, oui. Ça. Oui. Je vous dirais, quand vous voyez des endroits plus dangereux, de ralentir le pas, faire un petit jogging lent pour pas perdre non plus l'exercice qu'on a fait. Et pour prévenir les blessures. Voilà. Mm-hmm. Et troisième point, c'est recommandé de courir sur un parcours qu'on connaît bien parce que les nids de poules commencent à sortir, les cracks, les endroits plus glissants. Donc, c'est conseillé de garder à peu près le même circuit jusqu'à temps que la neige soit fondue pour prévenir les blessures. Encore une fois. Je pense que c'est ça aujourd'hui, hein, prévenir. Ouais. On vous dira quoi faire si jamais vous vous blessez dans une autre chronique. Dans une autre chronique, c'est ça. Ouais. Traînez votre téléphone cellulaire et appelez le 911. Pas un iPhone, parce que ça ne durera pas assez longtemps, la batterie. Non, c'est ça. Ah, c'est vrai. Ouais. Malheureusement. Il n'y a pas de recette miracle non plus dans l'entraînement. On est tous à des niveaux différents. Donc, oui, il y a des conseils comme pour les... Il y a trois grands niveaux, c'est-à-dire débutant, moyen et expérimenté. Mais il n'y a pas de recette miracle non plus. Toi, tu cours tel nombre de minutes, tel nombre de fois par semaine. C'est sûr qu'une personne qui débute, on conseille environ 2 séances par semaine où on alterne entre la course et la marche, une minute environ, pour une période d'environ 20-25 minutes. Donc, ça se fait quand même assez bien. Mmh. Un coureur moyen, on conseille environ 3 séances par semaine pour 30-45 minutes. Et là, on alterne entre la course et le jogging. Donc, c'est pas course-marche, un petit peu plus. Puis un coureur expérimenté, c'est la même chose. C'est de 3 à 4 séances, environ 40-45 minutes entre la course et le jogging léger. Donc, ça, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a personne qui se situe vraiment débutant, intermédiaire, expérimenté. Mais dans le fond, vous le savez, de toute façon, avec votre condition physique, on commence débutant. Puis si on voit qu'on n'a pas donné assez d'efforts, ben on peut augmenter d'une séance de plus par semaine en gardant le 20 minutes ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, si vous n'êtes pas capable de faire votre prochaine session, On ralentit le rythme, on n'est pas obligé. C'est sûr que pour une activité physique, c'est considéré activité physique à partir de 20 minutes d'exercice. En bas de ça, c'est... Ça donne rien. Ben, c'est parce que le corps ne travaille pas assez, c'est ça, justement. Donc, c'est sûr que si vous n'êtes pas capable de faire une demi-heure, ben là, au lieu de faire trois fois une demi-heure, on fait comme 4 fois 20 minutes. Oui. Juste pour pas épuiser trop notre corps. Graduellement. Ouais. Voilà. Bien entendu, c'est ça, c'est distancer les entraînements d'une journée afin de laisser le corps se reposer ou si on veut faire deux journées de suite, la deuxième journée, on va en salle faire de la musculation, on travaille une autre partie du corps que celle qu'on pratique à la course. Petit conseil à propos des chaussures, justement, on parlait de l'entretien. Bien les nettoyer après une séance de course à l'extérieur, on enlève la boue, la roche. C'est bien aussi d'enlever la semelle à l'extérieur, puis conseil de mettre aussi du papier journal pour enlever l'humidité. Ah. Donc, ça va conserver les chaussures plus longtemps. Puis nettoyer les semelles aussi, ça va permettre à vos chaussures de durer un petit peu plus longtemps. Les publisacs, c'est très utile pour ça. Oui. Pas mal leur seule utilité, ça. Oui. Il faut pas les jeter à la poubelle. Non, recyclage. Ou cage pour l'oiseau. Ah, ben oui. Mais on ne met pas aussi la chaîne. On peut pas le recycler, non. Non, c'est ça. Peut-être pas après. C'est pas recommandé. C'est une matière souillée, ça, je pense qu'il dit. La journée de ton gars de recyclage va venir cogner à ta porte pour te chicaner, mais c'est mieux pas être là. C'est ça. Aussi, évidemment, c'est conseillé de bien s'hydrater et bien s'alimenter. Introduction au deuxième segment de la chronique. Ah, quel hasard! Oui, parce que oui, il existe des aliments qui peuvent aider à performer, prolonger l'effort plus longtemps. C'est un article qui était dans la revue Espace, dont je parlais la semaine passée. C'est écrit par une nutritionniste de sport olympique. Donc, elle est quand même bien placée pour nous parler de ce sujet-là. Bien placée pour le savoir! C'est le slogan du QTA. Je voulais le placer comme ça. Ouais, bonne plug! Merci! Saint-Pierre. Non, Donc, avant une activité, c'est important de consommer des glucides pour pouvoir performer. Moi, glucides, j'ai encore de la misère, glucides, protéines, tout ça. Je sais que ça fournit de l'énergie, mais lisez sur les emballages, valeurs nutritives, vous allez savoir un peu plus. Là. C'est ça, avant, c'est de consommer des glucides. L'article nous donne comme exemple de l'avoine, comme un bol de gruau, qui va fournir beaucoup d'énergie. Love Story, ils doivent être vraiment performants. Hein? Gruau, jus de tomate et tofu. Leur petit mélange. Là. Non. Ah, tu veux pas de nom. Love Story ou Big Brother? Big Brother, ben, c'est, Big Brother. Ouais. Ah, je sais pas si. Non. Pour le moment, même si. OK, t'es on conseille aussi des œufs qui contiennent beaucoup de protéines, qui donnent beaucoup d'énergie avant l'entraînement, mais il faut avoir au moins 2 heures de repos entre le manger des œufs et l'exercice. Parce On fait pas comme Rocky quand il se met à l'entraînement, qui boit 3 jaunes d'œufs, puis après ça, il part courir tout de suite après. Non, des jaunes d'œufs crus. Là, il risque d'avoir des petites crampes dans le ventre. Ouais. Des crampettes. Des crampettes, oui, c'est ça. J'aime ça comme mot. Je sais pas, j'ai l'impression que si je ferais ça, si je me préparais en buvant des jaunes d'œufs ou en mangeant des œufs, tout simplement, et d'aller me rassir, d'attendre 2 heures, je sais pas, j'aurais l'impression de perdre mon temps à pas m'entraîner. Non, mais tu sais, tu déjeunes le matin. Ouais. Moi, mettons, je déjeune, je vais à mon cours, puis après mon cours, je décide d'aller courir. Ah oui. Tu sais, c'est 3 heures un cours, donc 2-3 heures, c'est correct. Fonctionne. C'est juste, dans le fond, de bien manger. Quand on a l'intention d'aller faire une activité sportive, c'est de bien manger. C'est sûr, il ne faut pas manger, puis tout de suite aller courir. Il faut au moins se laisser une demi-heure pour gérer. C'est souvent là qu'on vient qu'avoir des crampes, puis plus être capable de courir. C'est comme aller dans la piscine. C'est ça. Il faut attendre. Exactement. Oui. On peut aussi terminer la petite collation œuf gruau avec du pamplemousse ou une orange qui est remplie vraiment de beaucoup de vitamine C qui est un carburant pour les cellules du système immunitaire qui est en fonction quand on va courir au froid, ben, le système immunitaire travaille un petit peu plus, donc beaucoup de vitamine C aussi. Pendant la course, l'effort, c'est un effort de courte durée qui est considéré de moins de 45 minutes. C'est pas nécessaire de manger quelque chose pendant qu'on le fait, sauf si vous n'avez pas mangé depuis au moins 3 heures. Dans ce cas-là, on devrait avoir une boisson contenant beaucoup de glucides, comme un jus de fruits ou avec des électrolytes. Oui, mais pas du Gatorade. Il contient pas assez de j'ai regardé les valeurs nutritives de beaucoup d'éléments, puis c'est vraiment le jus de fruits ou du concentré de jus de fruits, ou c'est bien à la mode les Fuse ces temps-ci, les ouais. petits jus. Mais tu concentré de jus de fruits, une canne, genre, congélateur? Dilué, du... là. Ah, okay. Mais, tu sais, c'est du jus. Sirop. Ouais. non, peut-être c'est, pas. C'est ragoûtant. Bon, c'est ça. Fait que du jus de fruits pendant... Au lieu de boire de l'eau ou du Gatorade, boire un peu de jus de fruits pendant qu'on fait l'exercice, ça donne un petit boost d'énergie. Ah, justement, j'ai une question par rapport à l'eau. Moi, j'ai une amie qui fait beaucoup d'entraînement qui dit que c'est pas bon de boire de l'eau pendant qu'on s'entraîne. C'est mieux d'attendre après l'entraînement. Oui. C'est oui, mieux? C'est ça. Oui, c'est, ben, c'est ça. C'est sûr que juste d'aller boire un peu d'eau, se rincer la bouche, peut-être avaler une petite gorgée, mais sinon, c'est justement, ça va retomber dans l'estomac puis on risque de faire des crampes aussi. Okay. Fait que souvent, quand on va boire, c'est parce qu'on a la bouche sèche ou quoi que ce soit. Fait que c'est mieux juste de se rincer la bouche un peu, de prendre une petite gorgée puis de recontinuer. Parfait. C'est ce qui est mieux conseillé. Pour un effort de plus longue durée, pendant, il est conseillé de prendre quelque chose où les glucides sont présents. Dans l'article, il disait le sirop de riz brun. Ah! Mais je suis pas sûre. J'ai comme jamais entendu parler de ça. Ça doit être très bon, mais bon, j'irais peut-être pas m'en procurer. Il parlait aussi de barres énergétiques, donc des barres repas un peu, qui contiennent assez de protéines puis de fibres alimentaires pour soutenir l'effort pendant au moins 45 minutes. Une bonne barre Mars pendant qu'on s'entraîne. Ben oui. Non, peut-être pas. Chocolat peut-être noir. Il y a des électrolytes dedans. Vous avez pas vu le film Idiocratie, hein? Je vous en parlerai. Non, on n'a pas l'air d'avoir vu grand-chose. Hein? Non, on a juste vu le film où est-ce qu'il restait pognant le chairlift puis qu'il se collait les mains. Est-ce que t'es allé le voir? Il est sorti? Non, hein. Non, je pense pas. Frozen. Faudrait qu'on retourne voir la bande-annonce, voir si c'est sorti. Je pense qu'on a parlé à chaque chronique depuis deux mois. Genre, on sait même pas encore la date de sortie. Ça nous fascine trop. Ouais, c'était supposément en cinéma à partir du 5 février. On est peut-être trop tard. Ouais, ben je pense pas que ça ait sorti ici, ça. Bon, on va attendre qu'ils sortent en DVD, puis ouais. On ira se louer. Puis comme on a déjà parlé, on se fera une grosse réunion radio. C'est fou, on écoute le film bizarre. Ouais. Bon. Puis après, il y a beaucoup de monde qui se disent « Je viens de faire de l'exercice, c'est pas une bonne idée que je mange, je vais reprendre tout ce que je viens de perdre. » C'est faux. Le corps a comme besoin d'énergie, on vient de faire une activité physique. Donc, il y a quatre éléments essentiels à la récupération, et des glucides, des protéines, du sodium et se réhydrater. On peut y aller avec un lait au chocolat, qui contient beaucoup de protéines puis de glucides, puis qui est beaucoup moins coûteux que les fameux shakes ou des trucs comme ça. Il y a des électrolytes dans le lait au chocolat. Ah, yeah! Du quick! Oui. Quick. Ouais, ou peu importe, juste dans le fond, le lait contient assez de glucides et le lait, on attend le une caisse de quick. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, ce serait une bonne idée. On peut y aussi y aller avec une belle banane qui contient suffisamment de glucides et aussi de potassium. Mm-hmm. Ce qui est très bien. Ou un bon repas. Oui, vas-y. Il n'y a pas d'électrolyte dans les bananes. Non, mais il y a du potassium. Ah, c'est bon ça. Oui, ça c'est bien. Ça remplace bien. Oui. Si aussi c'est rendu l'heure du souper d'un repas, un bon roman. Bon roman. Hé, fatiguée la fille. Chronique lecture. Oui, oui, ça va être la prochaine session. Non, un bon repas après un entraînement peut être composé de porc, qui est une source de protéines qui est riche en vitamine B1. Ça l'assure que le cycle de production de l'énergie ne tombe jamais en panne. Dommage, t'es musulman ou juif, parce que ouais. Pas question de manger du cochon, c'est pas bon. C'est qui ça? Ça, c'est les rabbins rappers, genre les MC rabbins dans les Simpsons. Okay. Et Homer de demander à Marge, est-ce qu'on est juif? Elle dit non, et il sort un méchoui de nulle part, il va manger ça direct. Dans sa poche. Wow. Puis le repas peut être accompagné d'une portion de jus de légumes qui aide beaucoup à la réhydratation en plus d'être une source de sodium et de potassium. C'est sûr qu'après avoir été courir, on dirait que pour avoir du jus de légumes, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais c'est bien. C'est très bien. Puis finalement, pour la réhydratation, l'eau, elle demeure une bonne solution après. Mais durant l'été, quand il fait vraiment chaud, on est mieux d'aller qu'une boisson comme du Gatorade où il y a du sodium ou prendre un jus de fruits, rajouter du sel un peu dedans. Ça n'a pas l'air bon, dit de même. Non, mais du Gatorade, c'est ça, dans le fond. Ah il y a du sel dans la boisson, ça va aider, ça va accélérer le processus d'absorption de l'eau. Et les boissons herbacées, du genre thé vert, glacé, des choses comme ça, est-ce que c'est bon également? C'est considéré comme dans la section eau, je pense. Il n'y a, okay. a pas tant de sel que ça. Fait que vraiment, quand il fait chaud l'été, c'est que le corps absorbe moins parce qu'il fait chaud, t'as chaud. Fait qu'en ayant du sel, ça va vraiment aider à absorber un peu plus. Là. Aussi un fruit rempli d'eau comme croqué dans un melon d'eau qui va être plein d'eau, de glucides puis de vitamines, ça peut être bien aussi. Et d'électrolytes. Mathieu n'aime pas le melon d'eau. Non, melon d'eau, melon miel, cantaloupe, pas capable. Pourquoi? Ben, j'aime pas ça. Une version naturelle envers le melon. C'est vraiment la phrase que j'aime entendre tout le temps quand je dis ça. C'est ben, c'est bon pour toi. Ouais. C'est comme ouais, ben oui, ben non. Tant pis. Voilà. Pour vraiment lire l'article sur autant la course à pied que la nutrition, je vous conseille de vous procurer la revue Espace du mois de mars 2010, où il a aussi, je pense, sur le www.espace.qc.ca. Ils sont pas super à jour là-dessus. Mais je suis pas sûr. Je pense que c'est le dernier qui est là. Je suis pas sûr que le nouveau est encore là. Sinon, il l'a au CAPS ou proche de la coop, comme je le disais la semaine passée. Sur le campus ici, facile à trouver. Oui. Et pour toi, Mathieu, conseil de maman. OK. Je fais ton conseil de maman. Il n'y a pas de cantaloupe là-dedans, j'espère? Non. Non? Elle regarde sur sa feuille pour être sûre. Non. Je me souviens plus. Non, mais je sais que tu aimes ça, les conseils de maman. Oui. Je l'ai fait à tort, mais je me souviens. Oui. Ah oui, c'est vraiment un beau conseil de maman. En plus. Il fait beau, il fait chaud, là. C'est le fun. Ouais. On aime ça. On a le goût de sortir les bikinis, mais... On est encore au mois de mars. Là. Je pense que c'est pas le mien tout de suite. Non. C'est sûr qu'on a le goût de se promener en t-shirt, mais faites-le, c'est correct, en plein genre de midi à 3, il fait vraiment chaud, mais traînez-vous quand même une veste, un petit coton été, un polar, je sais pas. Parce qu'attraper une grippe au mois de mars, je sais pas pour vous autres, mais ça me tente pas, il fait tellement beau en plus. Donc, ce qui est le pire, c'est au mois de juin. Ça m'est déjà agréé. Moi aussi, bienvenue dans le club. Oui, puis moi, je voulais savoir s'il y avait des auditeurs qui auraient une idée, parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil et comme passé date cette année. Ah oui. Je suis pas sûr qu'en avril, je vais encore avoir mon manteau d'hiver. Genre en mars, découvre-toi en masse, parce qu'il fait chaud. Ah, mais je voulais plus comme un en mars, découvre-toi pas trop la face. Hein? Je sais pas trop, mais je sais pas s'il y avait quelqu'un qui aurait une idée pour le mois de mars. Ça serait drôle. Parce qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ça fait longtemps que mon manteau d'hiver est rangé. En mars, glace débarrasse. Oh! Hein? Hein? Non? C'est pas pire. Pas pire. Ouais. Vive le réchauffement de la planète. Ouais. C'est la morale de la chronique d'aujourd'hui. Hein? Oui. Ça finit sur une belle note, je trouve. Parce qu'avant, là, au mois de mai, il y avait encore 2 pieds de neige dehors. Ça neigeait encore. Quand tu marchais pour aller à l'école, nu-pied. Ouais. Parce que, tu sais, l'avril ne te découvre pas d'un fil était passé, mais au mois de mai, il y avait encore de la neige. Ouais. C'est dans le temps. Là. Quand t'es petit. Ouais, même petit. C'est tout. T'as déjà été petite, toi, ou t'as déjà t'en fait 6 pieds? T'as commencé. Non, je suis sortie, puis fait déjà ça, c'est un, voilà, c'est fait. Non, non, j'ai déjà été petite. T'as déjà été petite, hein? Ça fait longtemps. Petite comme ça? Comme tout petit? Sûrement. OK. Bon. Quand tu dis comme ça à la radio, les gens savent pas. Une image visuelle slash auditive. Slash. T'aimes ça le mot slash? J'aime bien ça. Barre oblique vers l'avant. Oui, j'aime bien ça. D'accord. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Le guitariste de Guns N' Roses s'appelait Slash. Donc, c'était excellent comme jeu de mots. Axel. Axel Rose, come on! Ça fait 20 minutes qu'on parle de plein air. Merci, Billy. Oui, ben, je pense que ça te monte au cerveau, le plein air. Oui. Ça te fait peut-être pas. Ça me va pas du tout. Je ne viendrai plus. Non. Oh. Ben non, je vais venir encore. Même si t'as pas de sujet, viens pareil. OK. Je vais venir puis jaser avec vous autres. Cool. Parfait. On manque de co-animateurs aujourd'hui. Simon est là. Allô. À 3, on est encore mieux. Ah oui. Ben oui. C'est toujours mieux. Toujours mieux. Bon, ben. C'est ça. C'est pas mal la fin de l'émission ici. Hein? Bon. Une dernière pièce et on revient avec la conclusion. Restez avec nous, vous êtes à Assemblage Requis. The Earl du Savo Trio dans Assemblage Requis. Pas mal la fin de l'émission ici. Hein? Oui, pas on mal. Vous invite à venir nous rencontrer. Mais en fait, moi et Émilie, on va être à l'Assemblée Générale. Et c'est fou, ils ont mis en plus. Demain, mercredi, à 11h30, ici même au 10-12 de l'UQTR, dans le pavillon des Rébeaux-Chemins. Et on invite tout le monde également, qui aurait un peu de cœur, à venir te donner un morceau de gâteau pour ta fête. Ah, merci. Ben oui, hein, c'est deux fois hein, dans l'émission. C'est... Ouais. Eh oui. Eh oui. T'as dit que ça te dérangeait pas. Mais non. J'en profite. Là, tu le vois. T'as pas dit que j'allais être vieux? Ah, mais ça, c'est parce que t'es toute jeune. Il a l'air vieux, mais il est jeune. T'as l'air vieux. Merci. Hey, c'est des compliments. Non, aujourd'hui. Mais je veux dire, il a l'air vieux de ses yeux de juvénile à elle. C'est ça, ça. Ouais. De juvénile, wow. Ah, tu parles genre 12 ans. C'est ça. Bonjour. Ah. Bon, donc, trêve de plaisanterie. Demain, 11h30, au 10-12, Néré-Beauchemin. Restez à l'écoute de C'est fou toute la soirée. Chérie Mécoutu, on rappelle, à partir de 17h, c'est suivi de Rock Révélé à 19h et à 21h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Demain matin, Simon Fitzbé va être là à On s'appelle et on déjeune. Ouais, excusez. Ouais, il va aller se coucher d'avant ouais, ça. Ouais, ça a l'air assez. Ça commence à 7h demain, donc merci pour ta présence en remplacement de Kiwan. Ouais, ça fait plaisir. Merci à Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Ça fait plaisir. Kiwan va être là demain. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les balado-diffusions et pour les liens d'émission d'aujourd'hui. Et très belle soirée. On se quitte avec Colorado et Juliet. Merci encore. Bye. Bye. Bye. Photographs of lovers come and gone. I ask if